gorge, les mots s'arrêtent de dépit. Traitez-moi de folle, tant pis. Mais comment voulez-vous qu'en ma chambre je garde une horloge qui va, monsieur, tout de travers? Quel martyr affreux pour mes nerfs! Le rapporter, ça me regarde. À tout à l'heure.